Bonjour, j'habite Albacete numéro 8, rue Virgen de Loreto. Je suis vendeuse. J'ai 45 ans, je suis blonde, j'ai les cheveux courts, je suis joyeuse, coquette, extrovertie et tout aussi, et une vraie clown. J'aime la musique, mon chanteur préféré est Pablo Alborán, parce qu'il chante en français très bien. Le jeudi, je vais porter un jean noir, un pull gris en laine, des veaux gris et quelques accessoires, par exemple, lunettes, plusieurs bracelets et des boucles d'oreilles. Je viens d'arriver à ma maison et je vais faire le dîner. Au revoir!